إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واللبس هو الخلط والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره مرفوعا إنما هو الشرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أراد من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مسرا عليها وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالح وآخر سيء فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط وهذه حال الأبرار وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه في طاعة الله علما وعملا فهذان لهما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة فالكل الكل لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها فلم يلقى ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في معناه، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez. Rappelez-vous qu'Allah nous observe tous constamment, et rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des voies des guidés est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabas, et que les pires des choses sont toutes choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal. Et toute chose nouvellement inventée dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal est une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Plus le serviteur d'Allah redouble d'efforts dans la réalisation et la concrétisation du tawhid, du pur monothéisme, plus il est susceptible d'entrer au paradis, quels que soient ses actes. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset: ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé, yani qui n'ont pas mélangé la pureté de leur foi, qui n'ont pas entaché la pureté de leur foi avec quelque injustice. Et l'injustice, dans ce verset de Sourate Al-An'am, désigne ici le shirk, le polythéisme, l'associationnisme. Conformément à ce qui est rapporté dans les deux sahih, Bukhari et Muslim, du hadith de Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce verset de Sourate Al-An'am: ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché la pureté de leur foi par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité, ce sont eux les bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, lorsqu'il a expliqué ce verset-là, cette ayah-là au sahaba, ce verset-là qui parut difficile aux compagnons, difficile d'appliquer aux yeux des compagnons, radiallahu anhum ajma'in, au point où ils s'exclamèrent: ô prophète d'Allah, qui de nous n'a jamais commis d'injustice? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: il ne s'agit pas de ce à quoi vous pensez. L'injustice ici désigne l'associationnisme, yani le polythéisme, le shirk. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur vertueux Luqman? L'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ce qui est voulu par cela, c'est que celui qui ne s'écarte pas et n'évite pas le shirk, l'associationnisme à Allah, il n'aura donc ni sécurité ni guidé. Tandis que celui qui est préservé de l'associationnisme à Allah, l'associationnisme à Allah, c'est que tu te mets à placer ta confiance en autre qu'Allah, que tu invoques autre qu'Allah, ou que tu crois que quelque chose d'autre en dehors d'Allah peut avoir un impact dans ta vie, comme ceux qui croient au porte-bonheur et tout cela, ou de passer sous une échelle le vendredi 13, etc. Tout ça, ça fait partie du shirk, d'accord? Ou bien d'égorger un animal pour autre qu'Allah, etc. D'accord? Donc, celui qui est préservé de l'associationnisme à Allah, il aura de la sécurité et de la guidée en fonction de son niveau dans l'islam et dans la foi. La sécurité totale et la guidée totale ne s'acquièrent que pour celui qui rencontrera Allah en n'ayant pas commis de péché majeur de façon continuelle. Mais si le monothéiste a des péchés pour lesquels il ne se serait pas repenti, il aura de la sécurité et de la guidée en fonction du degré de son tawhid, en fonction du degré de son pur monothéisme, et tout ce qu'il aura perdu en termes de sécurité et de guidée sera dû à ses péchés et désobéissances qu'il aura commis, tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs qui nous avons choisis, il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. D'autres se tiennent sur une voie moyenne et d'autres devancent tous les autres par les bonnes actions, par la permission d'Allah. La première catégorie, ceux qui se font du tort à eux-mêmes, sont ceux qui n'ont pas délaissé un acte obligatoire qui exclut de l'islam, tel que par exemple celui qui délaisse la salate. Donc, ils ne sont pas considérés en cela. Pour être musulman, il faut avoir ces salates. Ceux qui se font du tort à eux-mêmes sont ceux qui ont mélangé des bonnes œuvres avec des mauvaises. Cette catégorie, eh bien, est sous la volonté d'Allah. S'il meurt sur cela, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah Azza wa Jal veut, il lui pardonne de par sa miséricorde. Mais si Allah Azza wa Jal veut le châtier, il le châtie de par sa justice, due au péché que ce serviteur aura commis. Mais Allah Azza wa Jal leur évitera l'éternité dans le feu de par le tawhid, le pur monothéisme qu'ils avaient. Tandis que celui qui se tient sur une voie moyenne est celui qui a accompli tout ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire et a délaissé les interdits. Il a fait tous les obligatoires et a délaissé tous les interdits. En ne se tenant qu'à cela. Cela sont les bons. Et celui qui devance tous les autres par les bonnes actions est celui qui a la foi complète dû au fait qu'il s'est adonné à l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec science et en œuvrant sur cette science. Donc les deux derniers cas ont la sécurité totale et la guidée totale dans ce bas monde et dans l'au-delà, car la foi complète empêche celui qui la détient de commettre des péchés et d'être châtié de ce qui découlera de ses péchés. Il ne rencontrera pas son Seigneur avec un péché pour lequel il sera châtié, tel qu'Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Ce qui a été mentionné et ce qu'a également dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah ait miséricorde sur eux. Et c'est la parole des gens de la sunna et du consensus, à l'opposé des gens de l'innovation et de la division, parmi les khawarij, les mu'atazila et toutes les sectes qui découlent de cela. On demande à Allah Azza wa Jal de nous augmenter notre savoir, de nous montrer la voie droite comme étant la voie droite et qu'on la suive, et de nous montrer la vérité comme étant la vérité, qu'on l'accepte et qu'on la suive, et de nous montrer le faux comme étant le faux, et qu'on l'évite et qu'on s'en écarte. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarak rabbana wa ta'alayt. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد